La délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine, conduite par la présidente Kim Yong-nyeon, arrivée le 21 courant à Pyongyang par train pour participer à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, a déposé des bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.